Veux-tu qu'on perde Grégoire dormir sans fin, au lieu de rire et de boire de sang, au lieu de rire et de boire de sang, bon vin. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, qu'on éveille ce gros cochon. Faisons bruit à son oreille, le carillon, le carillon, de la bouteille, de la bouteille, et du plat blanc, et du plat blanc, plat blanc, blanc, du flacon. Faisons bruit à son oreille, le carillon, le carillon, de la bouteille, le carillon, de la bouteille, et du plat blanc, et du plat blanc, plat blanc, plat du flacon, et du plat blanc, plat blanc, plat blanc, et du plat blanc, et du plat blanc, plat blanc, plat blanc, du flacon, et du plat blanc, du flacon.